Ces fils de pute nous manipulent. J'freestyle même dans la canicule. J'suis dans ma bulle, t'es fou, recule. J'ai plus de freins dans mon véhicule. Un 3-5 et l'immatricule. Nique les flics, allez, vas-y, gueule. J'appelle le 17, t'es ridicule. On pourrait t'attacher en bas de l'immeuble. Nique ton équipe, je les coque. J'trouve la haine comme un nul coque. Dors jamais avec ton arme. C'est pas gros, t'en demain ça coque. Pour moi, c'est l'époque des bacs, de la Twingo, pas du pack M. L'époque où tous ces comics se mettent à rapper comme Black M. Tu m'aimes pas, j't'aime pas, tu te sens pas, j'aime pas. Je sais que tu m'as carotte, arrête de faire tes airs de sympa. J'débute des bits, mais t'es des bits. J'reste debout avec un peu de bug, j'ai un peu de bits, mais t'inquiète, juste debout. Pourquoi tu tchatches, tu n'es qu'un paille. Ton meilleur film, c'est American Pie, j'suis là pour un bail. J'veux la médaille, demande à Wanted pour les mecs d'aille. Mon sang tronche comme Philippines, que les gens kiffent comme du Billie Jean. Qu'au cap et les bébés, vas-y, team. J'suis déjà choli, même pas midi. Plutôt Dolce, pas Gucci. Au quartier, faut les abrutis. Sneak entre puis, mais quand te dis-moi à quoi ça aboutit. Me fouille pas, j'suis anti-focus. C'est le boss, tu touches pas, t'es plein focus. Te casse, t'occupe. Si j'suis là à la coupe, j'te laisserai pas qu'un cul. J't'ai pas dit, t'es qu'aucune. Pour Kafa dit que t'as les flics au cul. Ton pote est rentré, il veut que tu t'occupes. Et toi, tu fais rien, tu penses qu'au cul. Tu dis, t'es là, ouais, t'es là qu'au clip. Tu refais big, mais tu t'as copie. En ce moment, j'ai les dents sur le loup, donc tu remets ta copie. Je la prends, je le place, gros, dans la colline. Sur du fil colline, spéta votre carré de bulle, Malboro, Philippe Maurice. Il fait le yo, c'est une vis à part. Il fait le mec, il a une vis à part. Quand la roue finit par tourner, elle crève, les jaloux finissent à part. Big et fish, trottinette, tu le Mercedes, t'es la trottinette. Moi, je rappe pour ce qui m'aime, le reste, les coupes, flow, opinel. Je te mets une disquette, tu veux sa braguette. Cherche la qui guette, faut pas qui que. Je vois l'autre qui guette, c'est les flics. Et quand tu finis seul, y'a des gars qui t'aident. C'est normal qu'y a des gars qui t'aiment. Tu fais trop le genre le mec qui ken. Stereo, moi je suis ken. Fight, fight, fight, how you ken. Et moi je m'habille à la one again. Y'a que pour les boîtes, je mets les Hogan. Tu fais la vie, moi je fais rien, t'inquiète. On sait tous que t'es une femme au peine. On sait que tu ken, tu me fais de la peine. En plus de ça, j'ai jamais pris la peine de te dire vraiment combien j'ai la haine. C'est pour ça que mon pote l'instru, je la traîne. Je fais bouffer mes Asics. À la tête, y'a rien de magique. Imagine tout. Dans le poste, tu t'agites. Je me fous de tes potes qui t'a balancé. Tu l'as frotté le cul, tu l'as bien rincé. Même si tu le prends le boy, je te fais sauter, cousin. J'ai le flow FLNT. Ah, ils sont beaux. Eh, vas-y, quitte le quartier, on s'en bat les couilles. Laissez-nous tranquille. Ma mère. Après, ça dit ouais. Lui, c'est mon ami. Voilà, je fais tout pour lui. Casse-toi de là. Ma mère. Que des faux culs. Et en plus, le pire de ça, c'est des faux culs, mais c'est des victimes. Arrêtez tout. Arrêtez tout. La 3-5, mon pote. C'est genre la pointe.